que la bague tienne facilement dans la pâte, vous optez pour le 4 quarts. Tant pis si c'est pas très original, et même un peu bizarre. À la fin du repas, au moment de passer à l'action, elle vous devance et vous demande en mariage. Votre plan tombe à l'eau, vous vous sentez très con. « C'est à l'homme de le faire !» hurlez-vous fou de rage. Tant qu'elle ne s'excuse pas, vous bouderez. Allez à la dernière plage du CD. Vous vous calmez et vous la prenez dans vos bras. Allez à la plage 43. Tournez la plage.